moment vraiment gentil. Mais où ça nous te paierait te serrer. C'est un jeu coulé. Qu'est viré. Qu'est mettre moi à si ça. Et nous rencontrer nous en tes see you.